hear of Planet of the Apes? The movie or the planet? Yeah. Vagabond dans le poster. Yeah. Vagabond dans le poster. Hey. Pas décalé dans your party, party, party. Des lyrics, j'en ai lâché, des lignes et des lignes. Tous les mots qui s'entremêlent, qui me délivrent, qui me relaissent. Parfois me dénigre et ça me redingue quand l'esprit me snob. Quand mon stylo joue la porte d'être stop. Tout il faut mon crâne, d'ailleurs t'en dors pas. Fais tourner dans mon sens, c'est là. J'verrai pas la scène, c'est j'ai peur de manquer d'essence. Pour un 16 bien carré, donne mon esprit bien tassé. Retrait pas bien brassé, pour le reste ça devrait bien se passer. Laisse-moi faire les présentations. Moi là pour pas sonner comme si on voit d'apparition. Nous on apporte les salles, sans bagnant ni fagnant. Pas d'enfant de la mascaille, ma seule famille dans le sang. Donc selecta, envoie ça, ouais mec ça. T'attends quoi, t'attends que les fonds prennent notre place. Balance le régime, j'nettoie ça, j'te dois ça. Alors dire tout haut ce que les vrais rap en bas. C'est un rap, c'est le rapport d'un rappeur loin du rap game, ma thérapie. Pour les DB Soundboy, dans nos danses et ninja. Ville quoi prendre le contrôle, n'ont pas vu le ninja. Qui traînait dans la zone, ont fumé de ganja. Lâche-moi ce microphone et casse-toi de là. Pour les DB Soundboy, dans nos danses et ninja. Ville quoi prendre le contrôle, n'ont pas vu le ninja. Qui traînait dans la zone. On fait mes deux ganjas. Lâche-moi ce microphone et casse-toi de là. Dans le standard, ça s'entasse, ça tousse des poumons plein de crasse. On fait le monde, j'ai plus trop et j'm'en bats la race. Concentré sur le texte, balance des lyrics pas trop classe. Et si tu ramènes ta gazette, dis-toi qu'il y a les loups dans la place. On a les crocs, on a la dalle, on a les mics, on a la rage. On a l'amour comme ennemi parce que ce bâtard m'a fait trop mal. On a la motive, ils ont la maille, on a la weed, ils ont les rails. On a le nez pour débusquer tous les faux amis dans la bataille. On a le sang dans le sang, ressens-tu ça? Sens-tu ce truc qui te prend les tripes quand débute le beat? Ouais, boy, on aime ça. Les soundboys font beau, ils sont tous et rasta. Ragamuffin, fin dreadlocks, no god, no master. Pour les DB soundboys, dans nos danses et ninja. Mille trois prendre le contrôle, n'ont pas vu le ninja. Qui traînait dans la zone, ont fumé de ganja. Lâche-moi ce microphone. Pour les DB soundboys, dans nos danses et ninja. Mille trois prendre le contrôle, n'ont pas vu le ninja. Qui traînait dans la zone, ont fumé de ganja. Lâche-moi ce microphone et casse-toi de là. Troisième couplet, à peine de plus dans le cerveau. Je maltraite mes neurones qui prennent en otage mes rimes. Mon cerveau lentement bascule du côté obscur de la verdure. C'est à moi un verre d'eau si tu veux que mon flow et mes verdures. Réhydraté, je reprends la main. Dis-moi qui voulait dompter le singe en le rangeant dans des cases. C'est qui ces gars-là? Ils veulent conditionner mes phases. Va leur dire, je suis le vagabond, le mouton noir dans le paysage. Hey, le soldat inconnu, armé d'infamie. J'abats la bite et les instruis. Je m'instruis, ne dors plus, ne bosse plus. Pour mon patron, mais pour ma zig. À défaut de ramener du pognon, mal arrive à me faire sentir libre. Ouais, le temps d'une session, je laisse tomber la pression. J'oublie leur oppression. Retrouve mes sensations, l'impression. Que la vie est belle sous décibels. C'est décidé, je dédie la mienne à faire danser. C'est mille mots sur la mélodie. Sur du raga, raga. Ou sur du hip-hop, j'm'en tape. Envoie la version radicale et l'explosion dans vos dancehall. Pour les DB soundboys, dans nos danses et ninja. Mille trois prendre le contrôle, n'ont pas vu le ninja. Qui traînait dans la zone, ont fumé de ganja. Lâche-moi ce microphone, boy. Pour les DB soundboys, dans nos danses et ninja. Mille trois prendre le contrôle, n'ont pas vu le ninja. Qui traînait dans la zone, ont fumé de ganja. Lâche-moi ce microphone, DB boy, dude. DB boy, dude. Yeah, man, I did be boinin'. Did be boinin', yeah, man, I did be boinin'. Did be boinin', yeah, man, I did be boinin'. Radical sound dans la partie. Did be boinin', but man, did be boinin', did be boinin', did be boinin'. Did be boinin', did be boinin', did be boinin'. Did be boinin', did be boinin', did be boinin'. Radical est dans la partie. Yeah. Radical est dans la partie. Original pour pas sonic, man, la monkey revient te dire ceci. Original, like a muffin, cool.